Naïf. Moi, mon kiff quand je suis à la station essence, c'est de tomber sur un chiffre rond à la pompe. Et je sais que je suis pas le seul à le faire. Il y a sans doute une fédée quelque part, parce que c'est hyper technique. Sauf que l'autre jour, j'ai mis du gasoil à la place de l'essence. Ça, c'était pas un kiff. On compatit. Ça arrive même au meilleur de la discipline. Pas de panique. À la Maïf, on vous dépanne même si vous êtes à l'origine de la panne. L'assurance auto du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Dans les conditions et limites du contrat. Lauréat assurance de 2004 à 2024, enquête annuelle Bearing Point Kantar réalisée auprès de 4000 personnes. France Inter. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, Les Nuits Fauves. Premier et dernier film de Cyril Collard, étoile filante du cinéma français, symbole des années SIDA dans les années 90. Au carrefour du fantasme et du jeu populaire, vous connaissez le principe de cette question. Et vous, si vous pouviez organiser un dîner avec n'importe quelle personnalité, vivante ou morte, qui choisiriez-vous? Eh bien, en janvier dernier, le cinéaste Christophe Honoré répondait par le théâtre et conviait sur scène ses idoles, titre de la pièce d'ailleurs. Joué par d'autres, le spectacle rassemble une génération de créateurs, dramaturges, essayistes ou cinéastes décimés par le sida et qui ont follement inspiré le metteur en scène. Parmi eux, Cyril Collard, mort en 1993 à l'âge de 35 ans. Un an auparavant, sortait son film, devenu testamentaire, Les Nuits Fauves, film culte, marqueur de toute une époque, d'une jeunesse frappée par le fléau. Une œuvre à qui l'on doit beaucoup dans l'appréhension collective du sida. En ce début des années 90, les séropositifs se cachent pour mourir. Cyril Collard, lui, ose en parler sans pudeur, sans tabou, sans excès non plus. Il délaisse le bilan clinique pour choisir de raconter la vie, l'urgence, l'amour, malgré tout, et ses parts d'ombre également. Elles font partie du mythe. Notre invitée, aujourd'hui, Nella Banfi, productrice des Nuits Fauves, et sans qui toute cette histoire ne se serait peut-être jamais écrite ni filmée. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Margot Opinel, coordination Christophe Barrère, réalisation Cayenne Guyenne. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter. Lundi 8 mars 1993. Ce soir-là, au théâtre des Champs-Élysées, le rideau se lève sur la 18e nuit des Césars. Le producteur et président de l'Académie des Arts et Techniques du Cinéma, Daniel Toscan du Plontier, ouvre la soirée par une dédicace, sobre et solennelle. Cette nuit sera celle des Nuits Fauves, film phénomène, succès public et critique, 7 fois nominé. La cérémonie, elle, sera le requiem de son réalisateur, Cyril Collard, vaincu par le sida 3 jours plus tôt. Il avait 35 ans. La réalité, moi, je la prends au jour le jour. Ouais. Je l'embrasse. J'ai dit bienvenue à la réalité. Ouais, la réalité, c'est à 7h le matin. Alors, soudain, la réalité rejoint tragiquement la fiction. Les Nuits Fauves de Cyril Collard, sorti sur les écrans français 4 mois auparavant, c'est l'histoire de sa vie, qui est aussi la chronique d'une mort annoncée, adaptée de son autobiographie du même nom. Nous sommes alors au mi-temps des années 80. Jean, 30 ans, alter ego du réalisateur, qu'il interprète lui-même, brûle sa vie par les deux bouts, emprunte tous les sens interdits, embrasse qui vous voudrait, fille, garçon, cocaïne, alcool, backroom, excès de vitesse. Mais pour l'instant, t'es en train de foutre ta vie en l'air. Et puis il rencontre Laura, 17 ans, jouée par Romane Boringer, qui fait ici ses premiers pas en tant qu'actrice. Entre eux, c'est le coup de foudre, le désir fou. La première fois qu'ils font l'amour, Jean ne lui dit pas qu'il est séropositif, ne se protège pas et prend alors le risque de la contaminer. Il ne lui parle pas non plus de sa bisexualité, de son amant Samy, à qui il ne veut pas renoncer, malgré elle. Ne jamais dire non. Ne pas choisir, vivre vite, refuser la maladie et l'exclusion. C'est ça, les Nuits Fauves. 2h06 à tombeau ouvert. Une passion magnifique et suicidaire, où l'amour sans préservatif se veut plus fort que la mort. Mais, sans être dupe non plus d'ailleurs, la dernière phrase du film résonne comme une épitaphe. Je suis vivant. Le monde n'est pas seulement une chose posée là, extérieure à moi-même. J'y participe. Il m'est offert. Je vais peut-être mourir du sida, mais ce n'est plus ma vie. Je suis dans la vie. Ce soir, du 8 mars 1993, lors de la remise des Césars, Cyril Collard n'est pas là pour assister à son triomphe. Jamais pourtant un absent n'aura été aussi présent, un mort aussi vivant. Pas dommage convenu, mais plutôt une émotion vive, presque palpable, sans que jamais, soulignons-le, l'acronyme SIDA ne soit prononcé au cours de la cérémonie. Alors là, le César est attribué à Roman Bérengère. À l'heure des résonances, l'équipe des Nuits Fauves monte sur scène encore et encore, soudée comme une famille. Ce sont les récompenses, juste pour ce film. 4 trophées au total, dont les Césars de la meilleure première œuvre et du meilleur film. Un doublé inédit. Et n'allez pas croire qu'il s'agit d'un prix de consolation, non. Les votes étaient clos depuis le 28 février, soit 5 jours avant la mort du réalisateur. De cette soirée, on retiendra surtout les larmes de Romane Bohringer qui décroche, comme une évidence, le trophée du meilleur espoir féminin. La jeune femme, âgée de 20 ans, fille de l'acteur Richard Bohringer, s'avance, tremblante, devant le pupitre. Cyril, les nuits fauves, je les porte en moi pour toujours. Et ça m'a donné la force et ça m'a donné la vie. J'espère jamais te décevoir. J'espère que tu seras toujours fière de moi. Et je suis sûre que là-haut, t'as déjà trouvé la pellicule et une caméra. Je vous embrasse et je vous remercie du fond du cœur. Merci Romane d'avoir su trouver les mots pour le dire. L'effet César va offrir une nouvelle carrière aux Nuits Fauves qui ressort en salle. Le film, jusqu'ici, a été vu par 900 000 personnes en France. Mais déjà, depuis la mort de Cyril le 5 mars, dans les salles où il est projeté, chaque séance se termine par des applaudissements nourris. Jeunes, moins jeunes, tous se lèvent, certains pleurent, parlent d'hymne à la vie, d'hymne à l'amour. Le 10 mars 93, 2 jours après les Césars, ils sont plus d'un millier, familles et anonymes, à accompagner Cyril Collard au cimetière du Père Lachaise, triste comme s'il perdait un ami. Un film, un seul, aura suffi pour faire de l'artiste un symbole, le porte-parole involontaire de la génération sacrifiée des années SIDA. À ses funérailles, il n'y aura personne pour manifester, pour crier des slogans. Cela viendra après. Non, l'heure est au recueillement. Un moment où chacun réalise que ça n'arrive pas qu'aux autres. Pour moi, Cyril est un symbole. Et donc, ça pourrait être vous, ça pourrait être moi, en ce moment, ici. Mais sauf que c'est lui, mais ça symbole toute une génération qui essaye de se battre contre un fléau et qui n'y arrive pas, quoi. Je suis un peu comme Cyril, quoi. Et je me suis vu tout à fait dedans. Voilà. Et pourquoi son film vous a touché ? Parce que vous êtes quand même assez loin des choses, peut-être, dont il parle, quoi. Non, je ne suis pas si loin de ces choses-là. J'ai des amis très jeunes qui ont été concernés par ce problème. Je crois qu'il ne faut pas attendre quelqu'un comme Cyril qui parte pour mener la lutte, je veux dire, pour combattre le sida, parce que ça peut toucher tout le monde. Les politiques également se saisissent du mythe. Dans une lettre ouverte adressée aux parents de Cyril Collard, le président de la République, François Mitterrand, rend hommage au réalisateur. Cyril Collard incarnait le renouveau de la création cinématographique française, écrit-il. Son œuvre et sa lutte sont un exemple, notamment aux yeux de la jeunesse, de courage et de liberté. Elle demeurera dans les mémoires. Justement, presque 30 ans plus tard, comment saisir le phénomène Collard, l'impact de son œuvre si jeune, brève, inachevée? Comment comprendre le cercle tissé autour du poète disparu? Avant de vivre ses nuits fauves, Cyril Collard fut un enfant sage. Né en 1957 à Paris, il grandit à Versailles. Parents aimants, école catho, tableau d'honneur. Il obtient son bac à 15 ans et poursuit un parcours sans faute jusqu'à l'école centrale d'ingénieurs à Lille. Et puis tout à coup, c'est la rupture. À 22 ans, Cyril s'envole pour Porto Rico, abandonnant au passage ses études et le chemin qui semblait tout tracé. Dans les quartiers défavorisés des Caraïbes, le jeune homme se découvre amoureux des femmes, attiré par les hommes, animé par l'écriture, fasciné par la musique. Le cinéma aussi. En 1980, de retour à Paris, il fait une rencontre décisive. Claude Davy, longtemps prince des attachés de presse du cinéma, qui devient son Pygmalion, son mentor. À ses côtés, Cyril découvre le tout Paris et satisfait à peu près toutes ses ambitions. En 83, il devient l'assistant du réalisateur Maurice Pialat et l'un de ses acteurs sur À nos amours. Lieu d'apprentissage exceptionnel auprès du maître, il découvre le jeu d'acteur et la mise en scène jusqu'à tutoyer des thèmes qu'on retrouvera plus tard dans Les Nuits Fauves. Il en parle d'ailleurs dans l'émission Aujourd'hui la vie en décembre 1983, sa toute première télé. Toutes les situations en général sont écrites, il y a simplement qu'il y a une liberté de dire les choses avec ses propres mots. C'est-à-dire que quand on dit exactement le texte, en général, le Pialat n'est pas content. Et si on ne le dit pas, il n'est pas content non plus. Donc il faut, comme ça, faire un espèce d'aller-retour entre ce qui est écrit et puis une improvisation. Alors on finit par dire ce qu'il veut avec les mots, nos propres mots. Je ne crois pas qu'il ait voulu représenter, enfin que Maurice Pialat ait voulu représenter la génération de 16 ans, 17 ans, 18 ans. Je crois simplement que Suzanne exprime assez bien quand même le désarroi qu'il y a, enfin de certains jeunes qui effectivement c'est beaucoup plus facile, ça Pialat l'a dit, c'est beaucoup plus facile de coucher avec des gens que de les aimer. Cette expérience lui donne des idées. Dans la foulée de nos amours, Cyril Collard réalise 4 courts-métrages, dont Alger la Blanche en 1985, primé dans de nombreux festivals. C'est cette même année qu'il retrouve Pialat pour le tournage de Police, dans lequel il collabore un temps au scénario. Mais la deuxième grande rencontre de sa vie est une femme, l'éditrice Françoise Verny, gueule mythique de l'édition française, qui lance des auteurs comme des rôles dont les livres seraient les synopsis. Elle a compris son époque. En 1985, elle pousse Cyril à écrire son premier roman, qu'il mettra plus de 2 ans à achever. Pas tout à fait une autobiographie, pas loin quand même. C'est l'histoire de Sylvain, apprenti poète, vagabond dilettante en quête d'amour et d'érotisme. Mais les étreintes, déjà, sont condamnées par un virus mortel, jamais nommé. Il écrit « Certains ne manqueront pas d'attribuer à ma mort une valeur morale. Comme si l'un des milliers de corps que j'ai étreints m'avait transmis au fond d'une arrière-salle très sombre où j'attendais le plaisir, un mal inconnu, un nouveau virus foudroyant. » Lorsqu'il écrit ces lignes, Cyril ne sait pas encore qu'il est séropositif. Mais depuis 1983, date à laquelle le virus du VIH est identifié, il vit tous les jours avec cette peur, comme une fatalité, dit-il, inscrite dans l'existence nouvelle que j'avais choisie. 3 ans plus tard, il découvre sa maladie, en même temps que les premiers tests de dépistage sont commercialisés. Et la ministre de la Santé de l'époque, Michel Barzac, fait adopter une loi qui autorise enfin la publicité de préservatifs. Voilà la liste. Du shampoing doux, du maquillage waterproof, une crème solaire protectrice et une crème solaire très hydratante, des préservatifs. Des préservatifs ? Oui, des préservatifs. En 87, le premier roman de Cyril Collard, Condamné à Amour, sort en librairie, publié chez Flammarion. Le style est là, inabouti mais authentique. Il dit la violence radicale d'une génération qui découvre le sexe qui n'est plus une liberté mais une malédiction. Ce qu'il y a de plus beau se met à sentir la mort. En cette même année, 87, le sida est déclaré grande cause nationale. Il tue en France 964 personnes. Un an plus tard, ils seront 1384 à mourir, tandis que 2 milliers d'autres continuent à lutter. Avec le sida, c'est aussi une nouvelle communauté qui voit le jour, celle des séropositifs. Ils portent le virus, mais le sida, dernier stade de l'infection, ne s'est pas encore déclaré. Alors, tout l'enjeu est de ralentir sa mise en route. Le premier traitement antiviral, connu sous le nom d'AZT, fait son apparition en 87. Il n'en reste pas moins qu'apprendre sa séropositivité, c'est découvrir une nouvelle vie. Forcément, c'est un séisme. Malade, il faut apprendre de nouveaux mots. Mais c'est aussi double peine. Connaître l'exclusion de la société, des amis ou des parents qui vous quittent par peur ou par honte. Sida, le tabou. L'historien Jean-Paul Aron, lui, s'y refuse. En octobre 1987, il fait la une du Nouvel Observateur avec ce titre choc, « Mon sida ». Quelques jours plus tard, il est la première personnalité à parler de sa séropositivité à la télé, ouvrant la voie d'autres visages, comme celui de Cyril Collard. Oui, cet aveu médiatique permet de tisser un fragile dialogue entre la maladie et les vivants. Il contribue à chasser les métaphores qui recouvrent le sida d'un voile complaisant. Désormais, Cyril Collard avancera, sans masque. Alors il se replonge dans l'écriture avec une urgence nouvelle, la conscience d'une responsabilité inédite. Écrit en quelques mois, le livre « Les nuits fauves », donc, paraît en 1989, deuxième roman d'autofiction shooté à la vie, histoire belle et triste, comme la sienne. Malgré une sortie confidentielle, l'ouvrage se vend plutôt bien, environ 15 000 exemplaires. Et si les critiques littéraires vont du tiède au glacial, Cyril Collard enchaîne les plateaux télé. Bisexualité, séropositivité, sexe sans préservatif, chagrin amoureux et chantage à la contamination, les sujets sont tous brûlants. Le 24 octobre 89, Cyril Collard est invité sur le plateau de Star à la barre. Il a 32 ans, un anneau à l'oreille, un demi-sourire charmeur et passionné. Il est la deuxième presque star à assumer publiquement sa maladie à la télé. Par rapport au problème de l'exclusion, moi, ce que je fais en écrivant ce bouquin, c'est précisément pour dire un séropositif dans la vie, dans une génération, dans la ville. Bon, donc c'est pour témoigner de ça, que précisément, on vit pareil. C'est la même chose, à part quelques détails cliniques et pratiques, à quelques détails cliniques et pratiques près. Maintenant, il s'agit d'être plus efficace. Je crois qu'il y a aussi une manière de parler des choses actuelles, il y a une manière de témoigner, une manière de questionner les autres par la littérature et par l'écriture, c'est ce que j'essaye de faire, et effectivement le langage est important. Après, eh bien après Cyril gamberge, et le cinéma vient le démanger une nouvelle fois. En écrivant Les Nuits Fauves, il n'avait pas pensé à une adaptation à l'écran. Mais pour son premier long métrage, ce ne peut être que cette histoire-là, ça coule de source même. En 1990, après une écriture de scénario laborieuse, Cyril frappe à la porte des producteurs, manuscrit sous le bras. Pendant 6 mois, il écoute s'égrener la litanie des excuses polies du genre « Pas mal, hein, pas mal votre scénario, mais bon, l'histoire d'un bi séropositif pas très gai quand même. » Opiniâtre, Cyril s'accroche et finit par rencontrer Nella Banfi, productrice notamment de Nanni Moretti et Marco Bellocchio. Les Nuits Fauves. Oui, oui, le titre lui rappelle quelque chose. Évidemment, quelques mois auparavant, on lui avait proposé de lire le roman, elle avait refusé. Mais sa rencontre avec Cyril change tout, comme elle le raconte dans cette interview donnée pour les bonus de l'édition DVD par ESS Éditions et Distribution. J'avais un rendez-vous avec lui, mais je savais que je ne ferais pas ce film, donc j'avais pas aucune envie de faire ce film. J'étais pas là, je regardais pas ma montre, mais bon, j'étais pas là. Et comme Cyril est un grand, je vais toujours en parler au présent, donc qu'on le sache. Comme c'est un grand intuitif, il a senti que ça prenait pas. Il m'a regardé droit dans les yeux, il a soulevé sa manche, il y avait une énorme tache de kaposie là, il a mis son doigt là, et avec un regard d'une pureté, d'une beauté extraordinaire, il m'a dit dépêchez-vous parce que j'ai pas beaucoup de temps. Et il est parti. Et moi, je suis restée avec ce regard. C'est là, il s'est passé quelque chose. Et je veux dire, on dit toujours que c'est à travers les yeux, c'est la rencontre des âmes. Et je crois que c'est ce qui s'est passé vraiment là. La production du film sera émaillée de nombreuses difficultés, financièrement d'abord. Presque seule contre tous, Nella Banfi parvient tout de même à mettre le film sur les rails. Une télé, une banque, le CNC pour un budget de 15 millions de francs. Le tour de table est modeste, mais il est bouclé. Les institutions prennent alors conscience que le sida doit sortir du placard pour de bon. S'il y a eu quelques beaux précédents comme Mauvais sang de Léos Carax en 86 ou Merci la vie de Bertrand Blier en 90, aucun film français n'a encore fait de la maladie son sujet central. Les ennuis reviennent au moment du casting. Pour le rôle principal, celui de Jean, Cyril Collard a depuis longtemps un nom en tête, Patrick Bruel. Intéressé, l'acteur refuse finalement. Trop peur pour son image, tout comme Hippolyte Girardot ou Jean-Luc Anglade, pressentis à leur tour. En attendant, Cyril Collard découvre sa Laura, l'adolescente passionnée du film qui apprendra à Jean à dire « je t'aime ». L'oiseau rare s'appelle Romane Boringer. Elle a 19 ans. C'est une rencontre miraculeuse. C'était Corinne coachait les comédiens pendant le casting. Et ce jour-là, il n'y avait personne pour donner la réplique à Roman. Et c'est lui qui l'a donnée. Et à partir de là, il avait signé son arrêt de jouer. Parce que quand on a vu les essais, on savait que c'était Roman, mais on savait que c'était eux. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas posé la question dans le sens, c'est Roman. C'était eux deux qui fonctionnaient. Acteur principal, scénariste, metteur en scène et même auteur de la musique, pour son premier long-métrage, Cyril Collard endosse tous les rôles. Avec ses côtés, soit dit au passage, une distribution où se rencontre une belle brochette de débutants, Roman Boringer donc, mais aussi Maria Schneider ou Carlos Lopez dans le rôle de Sammy, l'ami amant. Le 11 août 1991, le tournage des Nuits Fauves commence. Par la fin, l'équipe se rend au Portugal, tourner l'une des dernières séquences du film, celle où l'on voit Jean se balader dans le désert, ambiance western. Ensuite, quelques jours au Maroc, puis retour en France, où est tourné l'essentiel du film, toujours en décor naturel. Paris devient alors un grand terrain de jeu pour Cyril Collard, qui laisse une grande place à l'improvisation. Dans la rue, caméra à l'épaule, portée pour le chef opérateur Manuel Terran, et plutôt en long plan séquence, les kilomètres de rush s'accumulent, presque le double d'un film normal. Acteurs, techniciens et production y mettent tout leur cœur, ne s'interrompant que pour les hospitalisations de Cyril. Avec son énergie, ce trompe-la-mort, on avait presque oublié cette saloperie de maladie. Mais à l'heure où le tournage s'achève, en 1992, le sida est plus qu'une réalité. Il devient en France la première cause de décès chez les hommes âgés de 25 à 44 ans. Avec Les Nuits Fauves, sorti sur les écrans français le 21 octobre 1992, Cyril Collard entre lui en résistance. Là-bas, dans la ville, quelqu'un cherche ta trace. Là-bas, dans une île, quelqu'un se couvre de strass. Tu sais, c'est si dur d'apprivoiser l'éphémère. Tu sais, c'est dur de croire à quelque chose. Là-bas, sous la pluie, quelqu'un danse avec moi. Là-bas, dans la nuit, quelqu'un s'endort avec moi. Quelqu'un caresse mes mains. Là-bas, dans un port, quelqu'un me murmure encore. Tu sais, c'est si dur d'apprivoiser l'éphémère. Tu sais, c'est dur de croire à quelque chose. J'ai l'impression de traverser la vie comme ces touristes américains traversent les pays visités pour faire le plus de villes possible. Les natifs du Sagittaire veulent toujours être ailleurs que là où ils sont. Et vous, vous étiez comme ça? Vous étiez jeune comme ça, non? Bah, c'est la vie. Ça passe comme ça. Le départ, c'est de la terre. Le retour, c'est vers la terre. Comme ça. Les Nuits Fauves, film de Cyril Collard, débute en mars 86 sur une route marocaine, puis parisienne, à toute allure, toujours. L'instant d'avant, Jean, 30 ans, chef opérateur, dînait au restaurant avec des amis. L'instant d'après, il se tord de douleur, après s'être tordu de rire, fou d'angoisse, se cognant la tête contre le capot d'une voiture et gémissant « Je ne veux pas crever, je ne veux pas crever ». Car la mort est là, qui rôde. dans le sang, dans le sperme de Jean. Tout s'emballe, encore, la drogue, les garçons, vite agrippés sous des ponts clairs-obscurs. Parmi ces ombres, il y a Samy, mi-frère, mi-amant, qui aime donner des coups, tant qu'en recevoir. Enfin, il y a Laura, rencontrée sur un casting. Elle est là, adolescente, avec son amour tout neuf, beau, définitif. On est très sérieux quand on a 17 ans. Alors, arrive la scène qui fera couler beaucoup d'encre. Romane Boringer, qui incarne Laura dans le film, se souvient du tournage de cette séquence charnière. La très fameuse scène où il m'annonce qu'il est malade. Cette scène a été ratée, moi je ne le savais pas vraiment. On l'a tournée, elle était dans la boîte et tout ça. Puis un matin, j'avais une feuille de service, j'arrivais sur le tournage. Je me mettais en costume pour faire ma scène. Et puis la costumière vient me voir, elle me dit non, finalement on va te changer de costume. Je dis ah bon, hein, je change de costume. Je sens une espèce de... un peu de tension sur le plateau, tout ça. Moi, je sais pas vraiment pourquoi. Et en fait, c'est parce que ce jour-là, Cyril avait décidé de retourner cette scène-là, mais sans me le dire. D'un coup, Manu a pris la caméra. Cyril a dit moteur, action, et c'était parti, quoi. Alors là, c'est vraiment sans filet, sans rien, quoi, sans texte, enfin avec quelques restes du texte que j'avais dans la mémoire de la scène, mais. Viens voir Laura. Je tiens un truc. Tu sais, j'étais avec pas mal de garçons. C'est pas toujours des canons. Faut peut-être qu'on fasse un peu attention tous les deux. Attention à quoi? J'ai fait le test du sida, je suis séropositif. Pour Laura, cet aveu résonne comme la promesse d'un amour plus fort. Un amour fou qui va la rendre cinglée. Jean continue d'étreindre Samy, qui file un mauvais coton un peu facho sur les bords. Un soir, alors qu'il tabasse un arabe, Jean vient le chercher. Soudain, il s'entaille la main et se précipite sur lui. « J'ai le sida, tu entends? J'ai le sida et je te le refile, si tu ne relâches pas ce type. » Le sida, qui devient une arme contre les imbéciles. Une arme qui va aussi permettre à son cœur sec d'accéder enfin à l'amour. À la fin, Laura en sortira presque indemne. Jean, lui, se retire dans une contrée lointaine et ensoleillée, irradiée par la vie. À la sortie du film le 21 octobre 1992, c'est bien la vie qui l'emporte. Un film brut, brutal, aussi important pour les années 90 que pouvait l'être il y a 20 ans. La maman et la putain de Jean Eustache écrit Télérama. Les cahiers du cinéma lui consacrent un numéro spécial, tandis que les critiques du masque et de la plume l'encensent. Ici, à Londres. Moi, je trouve que c'est un film événement, à la fois pour des raisons cinématographiques et évidemment parce que c'est le premier film sur les années SIDA. Alors nous, on n'est peut-être pas immédiatement concernés parce qu'on est vieux, en tout cas. Madame Deux, même... mais oh, là, pour la génération qui nous suit, vous pouvez pas savoir l'effet, l'impact que leur fait ce film. Les gens qui en sortent ne peuvent absolument sont sous le choc immédiat et incroyable de ce film. Et c'est un film sur justement sur ce morcellement du désir et sur cette fin de siècle où les gens ne savent plus comment aimer, même s'ils ont le droit d'aimer. Et pour les gens de 20 ans qui le vivent et qui reçoivent ce film en pleine gueule, ils le prennent absolument comme un message. Enfin, c'est un film manifeste. Je pense que c'est un film extraordinairement important. La couverture médiatique est considérable. Le public est exceptionnellement réceptif et petit à petit, les entrées explosent. 42 000 en première semaine, 3 millions à la fin de la carrière du film. Les ados, surtout, se saoulent aux nuits fauves. De son vivant, Cyril Collard recevra plus de 4000 lettres. Toutes disent merci. Avec son romantisme noir, Collard traduit la confusion d'une époque. Confusion des sentiments, des repères, des identités. Il incarne alors un rôle moderne, libérateur, au confluent de tous les plaisirs. Une image ultra positive qui commence à intéresser les associations et agences publiques d'information sur le sida. Le film Les Nuits Fauves va même devenir un outil pédagogique. En montrant ce qu'il ne faut pas faire, la fameuse scène où Jean ne met pas de préservatif, le film agit comme un spot de prévention redoutable. Dans les lycées, les proviseurs organisent des projections suivies de débats enfiévrés. Les préoccupations des moins de 20 ans émergent enfin. On nous posait des questions qu'on ne nous posait jamais auparavant, raconte Jean-Marc Priez, responsable de la prévention des jeunes à l'association AIDE. Pourquoi Laura, par exemple, n'est-elle pas contaminée? Beaucoup pensaient que c'était systématique. Exténué mais dopé par le succès, Cyril Collard poursuit la promo jusqu'à l'épuisement. La maladie est entrée en phase terminale. Et le 5 mars 93, trois jours avant la cérémonie des Césars, il tire sa révérence. À 35 ans, le jeune homme entre au Panthéon des Maudits aux côtés de Serge Danet ou d'Hervé Guibert. Il n'est pas la première victime célèbre du sida, sûrement pas la dernière, mais il a inauguré une rupture de ton dans cette décennie de maladie, osant afficher sa séropositivité, non pour s'en plaindre, mais pour la raconter. Les Nuits Fauves deviennent un film culte et Cyril Collard un mythe. Et puis soudain, c'est Lalali. Le 8 avril 1994, un an après la mort de Cyril Collard et au lendemain de la soirée télévisée Tous contre le sida, son image d'ange noir prend un sérieux coup de canif. Cyril Collard, au cœur d'une polémique sur la transmission du sida, tout est parti d'une information rapportée par Françoise Giroux dans son dernier livre « Journal d'une Parisienne ». La journaliste révèle en effet que l'auteur des Nuits Fauves a transmis la maladie à la petite fille de l'écrivain Suzanne Proulx. Voilà ce que disent précisément les lignes de François Giroux dans son journal Une Parisienne. J'apprends alors que la petite fille de Suzanne Proulx, âgée de 25 ans, est en train de mourir du sida, transmis par Cyril Collard au cours d'une brève liaison. L'horreur. L'indiscrétion de la célèbre journaliste, ancienne ministre des Droits de la Femme, est reprise et s'étale dans les journaux. On apprend alors qu'en 1984, Erika Proulx, la petite-fille de Suzanne Proulx donc, et Cyril Collard ont une aventure d'un soir. Il n'a pas mis de préservatif. Il ne se savait pas séropositif. Comment aurait-il pu ? Les tests de dépistage n'arriveront en effet que 2 ans plus tard en France, en 86. Mais le mal est fait. Les Nuits Fauves rejoignent encore une fois la réalité. On murmure même qu'il y aurait eu d'autres Laura, mortes elles aussi, malaise. Le 16 avril 1994, le quotidien de Paris se saisit du scandale. L'éditorialiste Dominique Jamais parle de Collard comme d'un criminel irresponsable, dont le film est un danger public, une apologie de la licence, je cite bien sûr. À sa suite, les ténors de la presse s'échauffent. Il faut casser le romantisme mortifère qu'ont véhiculé les Nuits Fauves, dit Le Point. Collard, les dangers d'un mythe, titre l'Express. Jeanine Collard, la mère de Cyril, porte plainte. Je ne peux pas laisser traiter mon fils d'assassin, ce qui est pratiquement ce qui a été fait. Je sens derrière tout ça une espèce de tendance au rejet, à un rejet des malades, à un rejet d'une certaine forme de pensée, à un rejet d'un certain mode de vie. La controverse médiatique prend une telle ampleur qu'une riposte s'organise autour du cinéaste s'insurgeant contre la délation et l'anachronisme. Trop tard. Cyril Collard n'est plus qu'un sale type porteur de mort. En 1995, Arte diffuse le film en deuxième partie de soirée, Les Nuits Fauves, parce que le CSA a déconseillé le prime time. Alors, nouvelle polémique. Ensuite, plus rien, ou presque. Les Nuits Fauves ont repris leur place, elles aussi entrées au Panthéon des années 90. Et on voudrait qu'elles y restent pour toujours, oublier ces sales peurs nocturnes du passé. Pourtant, aujourd'hui encore, malgré les trithérapies, la baisse de la mortalité et le ralentissement des nouveaux cas, on ne guérit toujours pas du sida. Le virus est toujours là. Pas le moment de baisser la garde. Regarde pas les affiches, fais pas gaffe aux signaux. Mets bien tes mains sur tes oreilles quand t'entends rire les narvalos sauvagement. Ceux qui portent leurs membres à bout de bras et qui disent qu'un cul ça s'attrape ou ça n'est pas. De quoi t'as peur? Alors dis-leur que ton machin est contrarié. Que parfois quand une fille te parle tu sens tes billes se rétracter. Depuis que cartonne au box-office la grande idée selon laquelle la compassion s'est dépassée. Dis-leur que tu te sens seul et que tu sais plus quoi faire pour trouver un peu de chaleur humaine. Aller au bois pour que quelqu'un accepte enfin de toucher ton zob. Tripoter la lycéenne, porter des robes. Te trémousser en talons hauts comme un gogo. Puis arpenter les ruelles sombres en secouant ta clochette. C'est un peu à cause de tout ça si tous les soirs c'est la même histoire. Métro, apéro, l'exo, clope et films porno à l'ancienne. Sur lesquels tu t'entraînes rageusement. Même si ça fait longtemps que ça t'amuse plus vraiment. Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar. Quand tout à coup tu croises un regard qui te perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça te tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi. Un truc comme ça. Bonsoir. Bonsoir. De se croiser ici. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais partager tes nuits. Tu connaîtras les Nuits Fauves. je te le promets. Elle sera tigre en embuscade quand tu viens de glisser sous ses draps, tandis que toi tu feras scintiller tes canines lorsqu'elle enlève le bas. Elle t'offrira des foulements dans sa voix lorsqu'elle reprend son souffle, qui s'échappe dans la cour pour aller faire gauler la lune. Des coups de bélier invoqués comme un miracle, qui veulent dire « si tu t'arrêtes, je meurs ». Toutes ces choses qui te la feront raidir, rien qu'à te souvenir, pour le million d'années à venir. Malheureusement, tout ce qu'on t'offre pour l'instant, c'est des chattes épilées et des seins en plastique en vidéo. C'est terrifiant. Tout le monde veut la même chose, même les travaux rêvent du prince charmant. Et pourtant, on passe notre temps à se mettre des coups de cutter dans les paumes. À trop mentir, à force de dire, par pitié, range la guimauve, écarte les jambes, je t'en supplie, me parle pas. Laisse-moi seulement kiffer mon va-et-vient de tolard et m'endormir direct moins de 3 minutes plus tard. À force de faire tout ça, on croyait quoi? On se meurtrit, on fait l'amour, comme on s'essuie. Quel gaspillage. Mais il faut pas que tu désespères, perds pas espoir. Promis juré qu'on la vivra, notre putain de belle histoire. Ce sera plus des mensonges, quelque chose de grand. Qui sauve la vie, qui trompe la mort, qui déglingue enfin le blizzard. Imagine-toi, t'es là, en train de te reprendre un verre au bar, quand tout à coup tu croises un regard qui perfore de part en part. Imagine-toi, t'es là, ça tombe dessus sans crier gare. Un truc pendant, un truc dément qui redonne la foi, un truc comme ça. Je voudrais qu'on remonte un escalier en cours, on catapulte tous nos vêtements. Bonsoir, que tu me fasses l'amour jusqu'à l'aube pendant 2000 ans. Que le soir, au soleil couchant, on se fasse des serres. Je voudrais partager tes nuits. J'ai tant besoin qu'on se joue dans la nuit fauve. Je voudrais partager. J'ai tant besoin qu'on se joue. J'ai tant besoin qu'on se joue. Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, Nuit Fauve, donc, notre invitée Nella Banfi. Bonjour. Bonjour. Ancienne dirigeante de la société Banfilm, productrice et distributrice de films, entre autres ceux de Nanni Moretti, Marco Bellocchio, sont des Italiens, parce que vous vivez en Italie, je crois. Et vous êtes surtout productrice des Nuits Fauves. Vous avez été, je pense, probablement à juste titre, fière du choix que vous avez fait en produisant Les Nuits Fauves, en permettant à cette histoire, à ce jeune homme devenu symbole, icône, d'exister sur la place publique. Tant d'années après, c'est quoi votre sentiment? Qu'est-ce que vous dites quand vous dites le jour où j'ai fait ce choix? Ben voilà, voilà ce qui s'est passé après. J'ai eu raison. J'ai eu raison et j'en suis extrêmement fière. J'ai eu raison parce que la productrice, on parlera après de la citoyenne, la productrice a été choisie. Ce garçon est venu me voir et, comme il disait en riant, je veux que ce soit vous parce que vous êtes italienne, rousse et complètement folle. Et je pense qu'il avait besoin de ça parce qu'il savait que je pouvais lui résister et que je pouvais résister à ses démons. Je suis extrêmement fière parce que c'est un film magnifique. Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps. Je l'ai revu parce qu'une amie qui n'avait jamais vu, qui était chez moi, m'avait demandé de le voir. Et j'ai dit, je vais rester 10 minutes. Et je l'ai re-regardé jusqu'au bout. Et c'est un film qui, curieusement, n'a pas pris une ride. Et cinématographiquement, c'est un film extrêmement important. Et c'était vraiment un réalisateur. Donc moi, je me suis mis au service de son talent. Après, on a parlé de l'incidence que ça pouvait avoir sur la société. Mais ça, c'est arrivé après. Moi, je me suis mis au service de ce jeune homme qui, comme il me l'avait montré, avait très peu de temps à vivre. Ouais. Et ce qu'on entend dans l'archive, on a passé deux archives de vous, vous êtes reconnu évidemment, ce qu'on entend c'est que vous avez eu un coup de foudre aussi pour la personne, la personnalité de Cyril Collard. J'ai eu un coup de foudre pour l'homme, le réalisateur, parce que après j'ai vu les courts-métrages, plus que pour le scénario. Parce que le scénario était trop long, c'était confus, il a fallu retravailler avec Jacques Fieschi, il y avait énormément de travail. Mais l'homme était absolument exceptionnel. Et la seule chose formidable que j'ai faite, que je revendique, c'est d'exiger que ce soit lui qui l'interprète. Ouais. Et c'est ça qui a fait le film. Bon choix, évidemment. Le film, c'est lui. Y compris à l'image, et surtout à l'image. Donc, il a cette faculté de transmettre cette grâce. Ce garçon avait une grâce absolument extraordinaire. Après, les moments de démons ont existé aussi. Bien sûr. Mais comment était-il dans la vie? Je vous pose la question parce que pour les gens de notre génération, il a été une balise. Hein. C'est le Collard, c'était une balise, c'était un phare. C'est-à-dire qu'on le suivait, il portait nos propres angoisses, évidemment, les angoisses des années SIDA. Quand on est entre 20 et 30 ans dans les années 90, c'est pas facile. Donc il était important, il était attachant. Et moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce qu'il était, comment il vivait. Il était à la ville comme à l'écran. c'est que tout allait très très vite. Ouais. C'est, en fait, c'est ça. Tout allait très très vite et je pense qu'au fond de lui, il avait conscience que ça allait se terminer très vite et qu'il fallait y aller. Il fallait y aller partout. Ah oui, quand il vous dit « j'ai pas beaucoup de temps », cette phrase est incroyable. Quand il me montre son cancer de la peau, c'est très clair que... et qu'il m'amène ensuite ses analyses où il lui restait 3 T4 et qu'il en riait, on savait qu'il fallait aller vite. Donc il m'a transmis cette énergie de dire « allez, ok, on y va d'ailleurs ». Je me suis entendu lui dire « je ne peux pas ne pas faire ce film », ce qui signifiait « on ne peut pas passer à côté de quelqu'un comme vous ». Et ça ne voulait pas dire un choix par défaut, « je ne peux pas ». C'était l'expression d'une volonté sincère. Voilà. On ne pouvait pas passer à côté d'un garçon comme lui. Le monde du cinéma était prêt pour un film qui traite de manière aussi frontale la bisexualité, le sida ? Non, ils ont été prêts quand les chiffres... de 14 heures sont tombés. Alors à ce moment-là, ils avaient tous voulu faire le film. Ils étaient tous plus ou moins amis de Cyril Collard. Et je vous dis même pas ce qui s'est passé au Père Lachaise, tellement c'était terrifiant de voir les amis de la dernière heure, quoi. Ouais, oui. On va parler de Romane Bouranger aussi parce que c'est tellement important. Romane Bouranger dans ce film. Attends, on va l'écouter si vous voulez. Interviewé dans un café parisien pour le documentaire Chien Loup Histoire de Cyril Collard, réalisé par Dominique Cazenave et Doug Headline. C'était en 1993. On écoute Romane Bouranger sur son approche du rôle. Alors je le prends pas. C'est ici que Cyril m'a dit que je faisais le film. Très tard un soir, il était 1h du matin. J'avais mon bac philo le lendemain à 6h du matin. Et ça faisait 10 jours que j'attendais la réponse. J'étais hantée, complètement. Quand j'ai lu le scénario, c'était en dehors de toutes les envies, comme ça, de faire du cinéma. C'était une évidence, quoi. C'est quelque chose dont tout d'un coup, je me suis dit, ça, j'ai besoin, quoi. Je me suis dit, ça, c'est essentiel pour moi. C'était plus du tout juste une envie comme ça. C'était, quand je l'ai lu, j'ai senti qu'il fallait pas qu'on me l'enlève, quoi. Fallait pas qu'on me l'enlève, quoi. Je me souviens, j'ai écrit après pendant des nuits, pendant que j'attendais la réponse de Cyril, j'ai écrit des lettres que je lui ai jamais envoyées, que j'ai écrites pour moi plus comme ça, mais il fallait pas qu'on me l'arrache, quoi. C'était c'est pour ça, quoi. J'ai eu tellement peur pendant tous ces jours où j'ai attendu. Mais là, mon fils, ça doit être quelque chose quand même, hein, pour une productrice d'assister ainsi à la naissance d'une actrice. Mais vous savez, quand on fait ça, on se pose pas la question. On se dit, c'est elle. Quand on a vu les essais, quelqu'un avait signalé Romane parce qu'il l'avait vu jouer à Avignon dans une pièce de Bitterbrook. Et un ami de Cyril lui avait dit, tu devrais la voir. On l'a convoquée, elle est venue, et c'était de l'ordre de l'évidence. Et donc, on se pose pas la question, c'est la naissance d'une actrice. Je vous dirais même qu'on s'en fout un peu. C'est elle qui est juste à ce moment-là. Et c'est elle qui peut l'aider à avancer dans sa mise en scène. Parce que c'est quand même un sujet extrêmement difficile. Donc, cette jeune femme qui incarne pour la première fois, et donc qui était toute neuve. Qui avait pas encore les plis du métier, si vous voulez. Elle était juste faite pour ça. Et quand on a fait les essais et que Cyril lui a donné la réplique, c'était une évidence. C'est de là. Et c'est vraiment un film de rencontre, en fait. Parce que ça a été la rencontre de Cyril avec Romane, ça a été notre rencontre, ça a été la rencontre avec Cyril et Manu Terrant, le chef-op. C'est-à-dire que l'ensemble de la troupe a été coopté sur une chose extrêmement bizarre qui n'existe pas d'habitude dans les films. Il y avait quelque chose en plus. Ce quelque chose en plus, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'imagine qu'il fallait ce quelque chose en plus pour que le film vive et soit accueilli positivement. Il fallait ce quelque chose en plus. Parce que l'histoire qu'on racontait, c'était l'histoire de tout le monde, potentiellement. C'était une histoire qui nous concernait tous. Est-ce qu'il fallait une chose en plus ? Par rapport aux autres films que vous avez pu faire. Oui, parce que c'est un film sur la vie. Si vous voulez, contrairement à ce qu'on pourrait penser en regardant l'histoire aujourd'hui, c'était pas du tout un film sur la mort, c'était un film sur la vie. C'était un film presque de résurrection. Je crois d'ailleurs que Télérama en avait parlé un peu dans ce sens-là. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il avait fallu au héros et à Cyril passer par l'ombre pour arriver à la lumière et effectivement cette dernière scène magique qui dit « je vais peut-être mûrir, je vais peut-être mourir, mais je suis dans la vie ». Effectivement. Et c'est ça tout la différence. Alors vous, qu'est-ce que vous avez pensé ? Donc le film se termine. Qu'est-ce que vous vous dites ? Alors ça a marché, ça a pas marché. Comment ça fonctionne ? Bon, producteur, c'est le métier de producteur consiste à prendre un pari artistique. On est bien d'accord ? On est bien d'accord. Bon, à la base. Donc on peut perdre. Les règles du jeu, c'est qu'on peut aussi perdre. Qu'est-ce que vous avez pensé ? Une semaine avant de tourner le film, Cyril et moi, on avait fait un jeu. On avait pris un petit morceau de papier et on avait écrit combien d'entrées ferait le film. Et on n'a pas regardé ce que l'autre avait écrit, on l'a donné à la secrétaire. Je parie que vous avez mis la même chose. On a mis la même chose et on avait mis chacun 1 million d'entrées. Bien joué. Voilà. Donc c'est tout. Mais en même temps, c'est la magie du cinéma. Moi, je pense que l'authenticité, c'était ça, la force de ce film. Ça paye, quoi. Et forcément, ça paye. Alors, j'ai dit dans le récit que Cyril Collard avait reçu près de 4000 lettres de jeunes, surtout. Vous confirmez, si vous confirmez, vous avez vu certaines de ces lettres, que disaient-elles ? Bah, si vous voulez, oui, je les ai vues. Ouais. On a même répondu après la mort de Cyril. C'était principalement des gens qui étaient séropositifs et qui remerciaient de leur avoir donné droit de cité. C'est-à-dire qu'après ce film, ils n'avaient plus honte. Parce que auparavant, je veux dire, y compris sur le plateau, nous on a eu des scènes terribles où les gens ne voulaient pas s'asseoir à côté de lui de peur de la contagion. Alors, vous voyez, ah oui, et vois. Là, tout d'un coup, les lettres et les merci qu'on recevait, c'était « grâce à vous, je vais pouvoir le dire à ma famille ouais. ». Et c'est là où, si vous voulez, la citoyenne, après la mort de Cyril, moi je suis allée militer à Solidarité Sida, parce que je me suis dit « ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on travaille très fort ». Comment s'est déroulé le tournage pour la fin, on sait comment s'est déroulé le tournage, on l'a raconté, mais vous y alliez souvent. Je sais pas comment fonctionne un producteur. Un producteur n'est pas forcément n'assiste pas forcément à tous les jours de tournage. Puis chacun travaille selon ses méthodes. Vous, c'était comment ça s'est passé? Moi, je vais toujours sur les plateaux au moment du déjeuner, parce que c'est à ce moment-là que c'est tout le monde que vous avez se plaint. Voilà, c'est à ce moment-là que tout le monde grinche, tout le monde se plaint parce que la prise de son, parce que ceci, parce que cela. Donc moi, j'allais remettre les choses ensemble, et ensuite, avec Cyril, une fois par semaine, on choisissait un 3 étoiles, et on allait dîner tous les deux, et on parlait du film, des rushs que j'avais vus. Et comment était-il, lui, pendant le tournage ? Comment il travaillait ? Travailler, c'est difficile. Si vous voulez, c'est pas un metteur en scène qui prend... Structuré, quoi. Voilà, c'est pas quelqu'un qui suit un découpage. Donc, quand Roman dit « on a refait la prise » et qui était absolument sublime, c'est réellement quelqu'un qui fonctionnait comme s'il avait une espèce d'antenne de la sensibilité. Donc, ok, on y va. Et c'était toujours lui qui n'était pas fatigué. C'était les techniciens qui demandaient de couper. Parce que la maladie de Cyril Collard, évidemment, elle existait, elle était presque au plus fort. Mais il a été hospitalisé plusieurs fois pendant le... Comment vous avez géré tout ça, vous et lui aussi? Alors, c'était simple. Pour moi, ça a été simple. Ça m'a d'ailleurs coûté une fortune, mais ça, c'est pas grave. On a arrêté 2 fois le tournage, je crois de 5 jours, puisqu'il allait se faire des transfusions. Et on avait un accord avec l'équipe, personne ne devait en parler. Et alors que, bon, maintenant, aujourd'hui, ça serait pas possible, mais à l'époque, on a réussi à cacher le fait qu'il pouvait être malade. Parce que ce qui était fondamental dans l'énergie du film, c'était cette énergie extraordinaire. Ah oui, c'est la seule explication, parce que justement, le film aide à sortir du sida, tabou du sida. Donc je serais étonné qu'on fasse aussi silence à l'intérieur du film. Ce serait un message contradictoire avec ce qu'on voit, le film. Non, on faisait silence autour de lui. Oui, j'ai compris ce que vous m'avez dit. Si vous voulez, nous on faisait équipe en force autour de lui pour l'amener jusqu'au bout. Ouais. Ce qui était fondamental, c'est arriver au dernier jour de tournage. Après, sur le montage, on n'était plus tranquille. C'est tellement vrai que j'ai fait installer des salles de montage à l'intérieur des bureaux de production. Il habitait au-dessus, de façon à ce qu'il ne se fatigue pas. Donc il fallait faire corps autour de lui et lui donner la force d'aller jusqu'au bout. Ça vous ferait plaisir d'entendre la voix de Manuel Terrant ? Ah, absolument. Eh ben, on va le faire, hein. On va écouter une archive dans laquelle il s'exprime, voilà, le témoignage du chef opérateur, toujours extrait des bonus de l'édition DVD des Nuits Fauves. Il y a des moments, effectivement, sur le tournage, comme on était tous au courant, il y a des moments de faiblesse très forts, où lui était faible physiquement, c'est-à-dire qu'il tremblait, il ne pouvait pas suivre, là. Ça, c'était... Donc il arrêtait, on attendait 1 heure, 2 heures. On est allé à l'hôpital, il s'est fait brûler quand même le bras. Et là, c'est une scène superbe. C'est le médecin qui lui brûle. Et donc, il tend son bras, il y a toutes les pustules comme ça. Et il met son bras et on le filme. Et la caméra, c'était magnifique parce que c'était le médecin qui faisait ça. Elle était belle, cette femme était très jolie. Et en plus, il y a eu une émotion qui est sortie de ça parce que on faisait ça pour de vrai. Donc, c'était pas. Donc, le filmer, toute l'équipe était concernée. Il donnait son bras et et il y avait tout le temps, c'était des scènes à la fois du vécu et à la fois de nous faire partager ça à nous. On respectait tellement fort ça, mais nous, on était très, très émus aussi de ça. Qu'est-ce que vous en pensez, Nella Banfi ? Oui, ben c'est exactement ça. Emmanuel a été magnifique. Ça a vraiment été une rencontre, encore une fois, et c'était le grand frère. C'est-à-dire que Cyril savait qu'il avait une épaule. Ouais. Il savait qu'il avait un très grand technicien, mais il savait qu'humainement, il pouvait montrer ses faiblesses. Et c'était ça, l'équipe. Parce que ceux qui n'ont pas joué le jeu, très vite, on les a dégagés. Oui, il ne pouvait pas être dans le film, non, finalement. Non, il ne pouvait pas. On avait vraiment besoin de cette énergie et de cette force. À plusieurs reprises, Cyril Collard a affirmé être dans une démarche opposée à celle d'un Hervé Guibert, par exemple, qui lui est allé jusqu'à filmer pour une chaîne de télé les effets de la progression du sida dans le documentaire intitulé « La pudeur » ou « L'impudeur ». Dur à voir, d'ailleurs, utile aussi, mais très très dur. Et Cyril lui reprochait une complaisance morbide, un plaisir à écrire tragique. Bon, ça le regardait, hein, de dire ça. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y avait de l'espoir chez Cyril Collard par rapport à sa maladie, non. Par rapport à lui ? Non. Il n'y avait pas d'espoir par rapport à la maladie. Il y avait de l'espoir par rapport à la vie. Toujours, on en revient toujours on là. On en revient mais toujours oui. Là parce que Cyril croyait profondément à la réincarnation. Ah. Donc, en gros, je vais refaire un tour de manège. Ouais. Et souvent, il le disait comme ça. D'accord. Donc, c'était moins difficile. Et puis, il fallait vivre avec. Et il a vécu avec à partir du moment où on lui a donné la nouvelle. Donc, ses cellules l'avaient très largement intégré et il savait qu'il allait partir. Comment avez-vous fait exister le film après tout cela? J'ai cru comprendre qu'il y avait eu des projets d'adaptation américaine, notamment, non? Ben, j'ai refusé de vendre les droits de remake, oui, effectivement. Pourquoi? Ben, parce que Cyril n'était plus là. Et que j'allais pas faire du pognon sur un mort. C'est pas le style de la maison. Donc ça j'ai pas voulu. Et d'ailleurs, ils ont bien fait. Ils ont fait Philadelphia, oui. Qui est un grand film. Oui, oui. Puisque c'était les mêmes producteurs. Bon, impossible de ne pas évoquer, même si c'est pas avec plaisir, mais enfin, avec vous, la polémique qui a eu lieu en 1994, ce qu'on a appelé l'affaire Collard. Qu'en pensiez-vous à l'époque? Comment vous avez réagi? J'imagine que ça n'a pas été facile pour vous d'entendre tout ça. Écoutez, moi, vous savez, à partir du moment où je suis rentrée du Père Lachaise, je me suis terrée chez moi, j'ai refusé absolument toutes les interviews, j'ai refusé de parler, et j'ai refusé de parler par rapport à cette histoire, parce qu'il n'y avait rien à dire. En fait, il n'y avait rien à dire. On n'attaque pas un mort. C'était ça, pour moi, la chose la plus importante. On ne pouvait pas attaquer quelqu'un qui n'était pas là pour se défendre. Et comme moi, je ne connaissais rien de cette histoire, contrairement aux autres, je n'avais pas d'avis. Ce que je savais, c'est qu'effectivement, à l'époque, quelqu'un avait bien contaminé Cyril. Et ouais. Qu'effectivement, on savait que cette maladie se transmettait. Bien. Je vais vous poser une question, vous répondrez par oui ou pardon, tout simplement. D'abord parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, on n'a plus que quelques secondes, puis ça ne nécessite pas peut-être de développement. Est-ce que vous pensez que les Nuits Fauves constituent une référence pour tous ceux qui combattent la maladie, les militants, les activistes, les malades eux-mêmes, enfin toute cette génération que j'appellerais ACT UP, dont l'histoire a été récemment honorée et récompensée au cinéma? La réponse est oui. Ça m'étonne pas.